Aller au mur. C'est une balade à faire avec de vieux amis, à la fin de l'été. C'est presque la rentrée, dans quelques jours tout va recommencer. Alors c'est bon, cette dernière flânerie qui sent déjà septembre. On n'a pas eu besoin de s'inviter, de déjeuner ensemble. Juste un coup de téléphone au début du dimanche après-midi. Vous viendriez cueillir des murs? C'est drôle, on allait justement vous le proposer. On s'en revient toujours au même endroit, le long de la petite route à l'orée du bois. Chaque année, les ronciers deviennent plus touffus, plus impénétrables. Les feuilles ont ce vert mat, profond. Les tiges et les épines, cette nuance lie de vin qui semble les couleurs mêmes du papier vergé avec lequel on couvre livres et cahiers. Chacun s'est muni d'une boîte en plastique où les baies ne s'écraseront pas. On commence à cueillir, sans trop de frénésie, sans trop de discipline. Deux ou trois pots de confiture suffiront, aussitôt dégustés au petit déjeuner d'automne. Mais le meilleur plaisir est celui du sorbet. Un sorbet à la mûre, consommé le soir même. Une douceur glacée où dort tout le dernier soleil fourré de fraîcheur sombre. Les mûres sont petites, noires brillants, mais on préfère goûter en cueillant celles qui gardent encore quelques grains rouges, un goût acidulé. On a vite les mains tachées de noir. On les essuie tant bien que mal sur les herbes blondes. En lisière du bois, les fougères se font rousses et pleuvent en crosses recourbées au-dessus des perles mauves de bruyère. On parle de tout et de rien. Les enfants se font graves, évoquent leur peur ou leur désir d'avoir tel ou tel prof, car ce sont les enfants qui mènent la rentrée et le sentier des murs a le goût de l'école. La route est toute douce, à peine vallonnée. C'est une route pour causer. Entre deux averses, la lumière avivée se donne encore chaude. On a cueilli les murs, on a cueilli l'été. Dans le petit virage aux noisetiers, on glisse vers l'automne.